Il me semble que l'usage du terme modernité dans sa vie politique est matière malentendue. Certains de ceux qui l'emploient paraissent croire que la modernité politique exige, en dépit de la géographie et de l'histoire, l'uniformité des institutions dans tous les États du monde. Ils se trompent. D'autres, se croyant pluralistes, pensent au contraire que la modernité est hors d'atteinte pour les pays dans lesquels le respect de la tradition s'opposerait à tout changement réel. Ils ne se trompent pas moins. Cette antithèse mécanique entre le passé et l'avenir, Jean Jaurès l'avait dénoncé à l'avant en s'écriant, et je cite de mémoire, que le fleuve est fidèle à sa source quand il descend vers la mer. Moins éloquemment, hélas, je dirais qu'une communauté de valeurs, le principe démocratique, les droits de l'homme, le pluralisme, peut rassembler, sans se trahir et sans les trahir, des traditions différentes. Le jour du décès d'Hassan II, 25 juillet 1999, RFI enregistre deux réactions. D'abord, celle d'Abbas El Fassi, le secrétaire général du parti nationaliste marocain, l'Istiklal, qui dresse le bilan de l'action internationale du souverain décédé.